s'appelle Alexandra. Elle avait 15 ans, moi 21, un regard, un frisson, et tout mon monde devenait sien. C'était pas raisonnable, c'était plus fort que nous. J'ai su dès la première seconde quel serait mon seul rendez-vous. On a appris l'amour, les gestes, les silences, les promesses sur un banc, les aveux dans l'innocence. 2 années suspendues, puis cette lettre un matin qui disait c'est fini. Et moi, je ne comprenais rien. Elle s'appelle Alexandra. À mes côtés, des années plus tard, mariée sans passion, une fille de l'espoir, puis le divorce, la déraison. À 46 ans, seule devant le miroir, j'ai voulu savoir si elle pensait encore à moi. Un message, un miracle, octobre qui s'illumine. Et je l'aime toujours. Vous êtes bien sur RIG dans une poignée de secondes, même pas. Maintenant, il est 20h. Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, j'espère que vous allez bien. C'est la saga des Fab Four numéro 649. Nous sommes le 1er octobre 2025 et l'album de la semaine, c'est l'album Brainwashed de George Harrison, sorti en 2002. Nous aurons quelques extraits de cet album-là et on reparlera également de George Harrison dans quelques minutes. Il y aura Any Road, extrait donc de Brainwashed. Il y aura P2 Vatican Blues Last Saturday Night, c'est juste un titre. The Rising Sun, également Stuck Inside a Cloud, Run So Far, la chanson qu'il avait donnée à Eric Clapton sur son album de 1989, si mes souvenirs sont bons. Et puis, on terminera avec Rocking Chair in Hawaii. Voilà. Il y aura également du Ringo Starr, du Lennon, du McCartney forcément et des Beatles. Pour Ringo Starr, ce sera Call Me sur Goodnight Vienna en 74. John Lennon nous chantera A Mother sur Plastic Ono Band. McCartney, ce sera Ben on the Run sur l'album Ben on the Run, forcément. Quant aux Beatles, ce sera Do You Want to Know a Secret? Do You Promise Not to Tell? Sur Please Please Me en 1963. Pour le reste, je vous convie à aller sur le site, la page Facebook, la page La Saga des Fab Four sur RG. Que vous pouvez trouver, et c'est le topic sur lequel figure la pochette de l'album Brainwashed, qui doit être en principe placée dans la hauteur. J'espère que vous allez bien, on va passer une excellente soirée jusqu'à 22h, et dans quelques instants, on attaque, si on peut le dire comme ça, George Harrison. En 1997, George Harrison faisait son dernier show à la télé et il nous prenait Any Road, il nous jouait Any Road qui n'était pas encore sorti. I've been traveling on a boat and a plane and a car and a bike and a bus and a train, traveling there, traveling here, everywhere, in every gear, but oh Lord, you pay the price with the spin of the wheel, with the roll of the dice. Ah, yeah, you pay your fare, and if you don't know where you're going, any road'll take you there. I've been traveling on the wing and a prayer, on the skin of my teeth, the breadth of her hair, traveling where the fall winds blow, with the sun in my face, in the ice and the snow. But ooh-wee, it's a game. Sometimes you're cool, sometimes you're lame. Oh yeah, it's somewhere, and if you don't know where you're going, any road will take you there. Voici maintenant la version de l'album. C'est la guitare. Roll of the dice. Ah, yeah, you pay your fare if you don't. so far out, the way out is in. Bow to God and call him sir, but if you don't know where you're going, any road will take you there. And if you don't know where you're going, any road will take you there. Sur RIG, chanson d'ouverture optimiste et pleine de philosophie, écrite dans les années 80. Elle reflète l'idée que peu importe le chemin emprunté, l'important est d'avancer. Cet extrait de Brainwashed, qui est le dernier album studio de George Harrison, sorti à titre posthume le 18 novembre 2002, presque un an après sa mort, puisque c'était le 29 novembre 2001. George avait commencé à travailler dessus dès 1988, peu après Cloud Nine. Il y revenait par intermittence, entre les sessions avec les Traveling Wilburys et ses projets personnels. Vers la fin des années 90, il avait presque terminé l'album. Après son décès, son fils Danny Harrison et son ami producteur Jeff Lynne de ELO, Electric Light Orchestra, ont finalisé le mixage et les arrangements en suivant les instructions laissées par George. On y reviendra un peu plus tard. Lui, c'est Ringo Starr. Appelle-moi, call me sur RG. You wanna see me? Call me if you still believe me, 'cause I'm not gonna hide. No, I'm not gonna hide from you. Think you need me like I do. I want you to feed me with your love. I'll be strong with your love. By what you've seen, dear, I know it's like a bad dream, dear. Remember, I slept too. Remember, I slept too with you. We'll go. 1974, sur l'album Goodnight Vienna, Call Me, à l'instant de Ringo Starr. On se fait souvent la réflexion entre fidèles de la saga des Fab Four que Ringo Starr est un gars très très fort pour faire des pochettes vilaines. Mais c'était pas le cas en 1974, puisqu'il reprend l'affiche d'un film qui s'appelle Le jour où la Terre s'arrêta. Il sort d'une soucoupe volante qui est à terre. Et il y a un grand robot à côté, à sa droite, à lui, à Ringo, qui s'appelle Klaatu, si mes souvenirs sont bons. Et c'est une belle pochette, oui, cette fois-ci, il avait réussi la pochette. Il se trouve que l'intérieur aussi est bien. Ah. C'est l'heure. John Lennon sur RG. Nous sommes en 1970, il a fait une cure auprès du psychologue, si on veut, Jan Hopes, qui lui dit, il faut que tu extériorises tout, il faut que tu hurles. Il va le faire pendant tout le disque. Mais c'est bien quand même. What I have done.

Le second se nomme yellowsub.net. Il y a aussi un forum sur le net et une page Facebook très complète. Et pour le troisième, c'est un site anglais, celui de Lovely Rita. Si vous voulez tout savoir sur nos 4 amis de Liverpool, avec un forum et un site sur Facebook également, des millions de visiteurs réguliers, ce site recense aussi les personnes connues par Lovely Rita qui animent une émission sur les Beatles, dont nous, la saga des Fab Four. Alors n'hésitez pas, BeatlesMagazine.com, c'est le site qu'il faut consulter. Avec les Beatles en 1963 et ce titre Do You Want to Know a Secret? Eh bien, si vous voulez savoir un secret, c'est que 62 ans plus tard, soit en 2025, George Harrison est encore d'actualité. Il vient de sortir un nouveau livre, pas George Harrison, mais Dominique Grandfils vient de sortir un livre sur George Harrison. Je lui laisse la parole quelques secondes. Salut à tous, c'est Dominique Grandfils. Ravi de vous retrouver sur la saga des Fab Four avec Thierry pour vous présenter mon nouveau livre « George Harrison, l'homme tranquille des Beatles » chez Encre Rock. Dans cet ouvrage, je vous raconte l'histoire de ce guitariste talentueux qui fit partie du plus grand groupe de pop musique. Sa jeunesse après-guerre à Liverpool, puis ses premiers pas musicaux avant de rencontrer Paul McCartney, puis John Lennon, et de débuter une formidable aventure. Avant de devenir cette âme tranquille des Beatles, George Harrison fut un jeune homme un peu rebelle qui s'éloigna de l'église et subit l'école et sa discipline qu'il avait du mal à accepter. Après les premières années de succès Beatles, il découvrit la musique indienne et le courant Hare Krishna. Il va emmener ses camarades en Inde pour écouter le Maharishi Yogi et jusqu'à son décès, il restera habité par cette spiritualité qui l'aidera à traverser les moments difficiles de sa carrière et de sa vie personnelle. Vous retrouverez toute cette histoire dans George Harrison, l'âme tranquille des Beatles, chez Encre Rock. Un grand merci à Thierry et à bientôt sur la saga des Fab Four. Bien sûr, donc George Harrison, l'âme tranquille des Beatles. J'aurais voulu vous en parler plus, j'ai commandé mon exemplaire, je ne l'ai pas encore reçu, mais c'est une histoire de quelques jours sûrement. Voici le deuxième extrait de l'album de la semaine, l'album Brainwashed de George Harrison. C'est P2 Vatican Blues, Last Saturday Night sur RIG. Ceiling from below, standing Michelangelo, fill my heart with delight that Saturday night. I ride believing from home, find every step inside St. Peter's Dome, claustrophobic and ex-Catholic last Saturday night. Really noticed

je sais, nous sommes revenus sur l'album Ben on the Run de 1973, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'adore cette chanson, 1985, qui à l'époque était dans le futur et qui, maintenant à 40 ans, l'air de rien. Qu'est-ce que ça passe vite. Such a fate, I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. not what I appear to be. Les Beatles à leur début, 63-64, l'énergie du début, et surtout ce qui caractérisait, je trouve, le début des Beatles entre, d'ailleurs, l'album rouge et l'album bleu font bien la différence, 62 à 66 et de 67 à 70. Au départ, je trouve, dans les premières années, la grosse caractéristique, c'était les harmonies vocales. Quelle beauté, ces harmonies vocales. Et je pose la question, est-ce que l'un d'entre vous a la réponse? Est-ce que les harmonies vocales venaient instinctivement à Paul et John, ou est-ce que justement c'est George Martin? J'y pense parce que il y a pléthore sur YouTube de personnes qui savent bien, très très bien chanter et qui vous font, par exemple, voilà sur, admettons, Please Mr. Postman qu'on a écouté il y a pas longtemps, voilà ce que chante la voix de Paul, voilà ce que chante la voix de John, s'il y a besoin, voilà ce que chante la voix de George. C'est compliqué, c'est à mettre au point les harmonies vocales. Est-ce que c'est George Martin qui a dit vous allez chanter ça comme ça, comme ça, comme ça, ou est-ce que c'est instinctif? Si quelqu'un a la réponse, je serais curieux de le savoir parce que je me suis pas posé la question avant d'avoir entendu cette séparation. One. Ça, c'est pour décrasser les haut-parleurs en 1974. What you got? John Lennon qui hurle, mais j'adore quand il hurle comme ça. L'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Brainwashed par George Harrison en 2002. On y retrouve le mélange typique de Harrison sur cet album. Des ballades mélancoliques, Marwa Blues, instrumental émouvant. Des chansons plus mordantes et ironiques, comme P2 Vatican Blues. Brainwashed aussi. Des titres spirituels marqués par sa foi hindoue, comme Rising Sun ou Stuck Inside the Cloud. La production est sobre, respectueuse de ses démos, sans excès moderne. La dernière chanson, Brainwashed, se termine par une récitation en sanskrit, prière hindoue, par Danny et George, donnant un côté testamentaire. Quelle fut la réception de cet album-là? Il a été accueilli très favorablement. Beaucoup ont salué sa sincérité, son côté apaisé et spirituel. Le morceau Marwa Blues a remporté le Grammy Award 2004 de la meilleure performance instrumentale pop. Les critiques y voient une conclusion digne et cohérente de sa carrière. Danny a dit que travailler sur l'album avec Jeff a été une façon de garder son père en vie un peu plus longtemps. Le disque sortait en même temps que le concert de George, novembre 2002, au Royal Albert Hall, où ses amis Clapton, McCartney, Ringo, Tom Petty lui ont rendu hommage. Harrison lui-même considérait ce projet comme inachevé à sa mort, mais les fans le perçoivent comme un véritable adieu musical. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet album, très bon album de George Harrison. Quant à cette chanson que nous allons entendre dans une demi-seconde à peine, c'est The Rising Sun, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un morceau long et spirituel rappelant la majorité de ses chansons des années 70 comme Beware of Darkness. Et c'est sur RUG dans la saga des Fab Four. Taken for a ride, you can have the devil as a guide. And crippled by the boundaries, programmed into guilt, till your nervous system starts to tilt. In the room of mirrors, you can see for miles, but everything that's there is in disguise. Every word you've uttered and every thought you've had is all inside your files, the good and the bad. But in the rising sun, you can't feel. No. Dans un peu plus d'une heure, je vous convie à écouter Johnny de A à Z. Nous sommes le premier mercredi du mois, nous sommes le 1er octobre, et lorsque c'est le premier mercredi du mois chez Eric, c'est le live qui sera un live bien spécial, puisqu'il a intitulé son émission Live Bootlegs. All right, okay. Very good to see you down New Orleans, man. Yeah, Harry, yeah, yeah. Paul McCartney, Listen to What the Man Said, sur RG. Anytime, any day, you can hear the people say that love is blind. Well, I don't know, but I say love is kind. Soldier boy, kisses girl. But he won't mind. He's in love and he says love is fine. Oh, yes, indeed, we know that people will find a way to go no matter what the man says. And love is fine for all we know, for all we know. That's what the man said. So won't you listen to what the man said? He said, somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door, I let him in. Ooh, yeah. Someone's knocking at the door, somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door, somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door, I let him in. Sister Susan, incarné par deux fois en 1975 et 1976. D'abord, Listen to What the Man Said. Et puis, à l'instant, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, il y a quelqu'un qui agite la sonnette, qui appuie sur la sonnette, si vous préférez. Elle ouvre la porte et puis il fait les rentrées. C'était Let Them In, 1976. Quelle carrière, quel génie ce Paul McCartney. McCartney qui nous prépare un album pour 2026. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit la semaine dernière, ça a été confirmé, Ringo Starr nous prépare un deuxième album country, espérons qu'il sera aussi bon que le premier de la semaine, de cette année-là.

retour à l'album de la semaine, l'album Brainwashed, avec cette chanson qui est la préférée de Danny, douce et mélancolique avec une atmosphère planante. Stuck Inside the Cloud sur RIG. Smoke so much. Lost my concentration. I could even lose my touch. Talking to myself. Inside a cloud. I made some exhibition. I lost my will to eat. Nous en sommes à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou une fois les carrières séparées, même si eux-mêmes faisaient déjà la reprise de quelqu'un. Comme par exemple George Harrison qui reprend Baltimore Oriole. Je le sors souvent parce que j'adore cette chanson-là. Eh bien, la cover de cette semaine est chantée, alors, en partie par un des Beatles, ex-Beatles, Paul McCartney, qui a été invité sur l'album The Secret of Life, Partners, volume 2. C'est sorti en 2025. Il s'agit de la brillante Barbara Streisand qui nous fait sa cover de My Valentine avec Paul McCartney. Et Paul McCartney a dit qu'il a été impressionné par Barbara Streisand, un mec qui a 60 ans de carrière, qui est un demi-dieu, voire un dieu directement, qui arrive encore à être impressionné. Moi, ça m'impressionne. said that someday soon the sun was gonna shine, and he was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. Information, je suis allé vérifier sur internet. Barbra Streisand a 83 ans. Quelle voix. Bon, lui est un peu plus âgé et en 2019, il a découvert que John Lennon avait dit à sa femme donc Yoko Ono, cette chanson-là, je la verrais bien chantée par Ringo. Et lorsqu'il a découvert ça, eh bien, il s'est dit, qu'à cela ne tienne, je vais chanter la chanson. Voici Grow Old With Me, chanson de John Lennon, parue en post-mortem sur l'album Men Love Avenue, il me semble. La voici chantée sur l'album What's My Name en 2019 par Ringo Starr. Et c'est sur RIG, bien sûr. RIG, c'est la saga des Fab Four, numéro 649. Come, we will be as one.

grosse surprise de ce mini-album de 2024. L'album s'appelle Crooked Boy et le morceau que vous venez d'entendre, Gonna Need Someone, c'était Ringo Starr. On repasse du côté de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Brainwashed, sorti en 2002 de George Harrison. Et ce morceau qu'il avait composé, George, pour son pote Eric Clapton en 1989 sur l'album Journeyman, il le ressort à son propre compte, il le prend à son propre compte et nous délivre sa version. Voici Run So Far sur RIG.

Vous savez que Ringo Starr, je vous l'ai dit souvent, était quelqu'un de génial. Vous allez en l'entendre là parce que nous allons vous proposer la chanson Rain que vous connaissez. Mais est-ce que vous savez que Rain a été enregistré plus rapidement, puis ils ont, avec ce qu'on appelle une vary speed, quelque chose comme ça, ils ont ralenti l'allure de façon à donner un son bien particulier, le son que vous entendez dans Rain. Je vous propose d'écouter la version avec la enregistrée en vitesse normale. Écoutez la batterie, il y va là, Ringo, il y va. Bon, il était plus jeune, mais il y va. One, là-bas aussi, il y a les à fond. Voici la version finale. À partir de 1966, à partir de l'arrêt des tournées, que les Beatles ont décidé de transformer le studio, qui jusqu'à ce moment-là, n'était que le lieu dans lequel ils enregistraient des chansons. Ils ont considéré que le studio était l'endroit de travail, l'endroit où on pouvait faire des créations, on pouvait apporter un plus. Là, vous en avez eu la preuve, où ils enregistraient plus rapidement pour donner un son différent. Ils ont fait des essais, c'était un laboratoire véritablement. Et tout ça pour dire que 3 ans plus tard, en 1969, les studios EMI, qui sont situés dans la rue Abbey Road, lorsque les Beatles sortiront l'album Abbey Road, les studios vont eux-mêmes se débaptiser en s'appelant les studios Abbey Road pour rendre hommage à ce lieu de création par les Beatles.

when you like a lot. You may be cruising backwards while thinking that you're not. You know what I feel. If you don't get the picture, then you won't have a depth of field. You may be going someplace, someplace you've already been. Won't you? Won't you so?